Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À 10 000 nautilus vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 100 mètres. Nous marchions bien lui, mais prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. Une heure après, nous avions atteint l'îlot. Nous étions en présence du pôle sud. Quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua. Au moment où Conseil allait sauter à terre, je le retins. « Monsieur, dit le capitaine Nemo, à vous l'honneur de mettre le pied le premier sur cette terre. »« Oui, monsieur, répondit le capitaine. Et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle, c'est que jusqu'ici, aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas. » La végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreint. Mais où la vue surabondait, c'était dans les airs. Des pingouins, des albatros fuligineux d'une envergure de 4 mètres, des pétrels gigantesques, des damiers, sortes de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc. Après un demi-mille, le sol se montra tout criblé de nids de manchots. Là, je puis dire qu'à perte de vue autour de nous, les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins. C'était particulièrement à des phoques. Ils formaient des groupes distincts, mâles et femelles, le père veillant sur sa famille, la mère allaitant ses petits, quelques jeunes déjà forts s'émancipant à quelques pas. Entre eux se glissaient des éléphants marins, sortes de phoques à trompes courtes et mobiles, les géants de l'espèce. 2 000 plus loin, nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud. Arrivé à l'arête supérieure du promontoire, j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morses. Ces animaux jouaient entre eux. C'était des hurlements de joie, non de colère. Nous étions précisément au 20 mars. Demain, 21, jour de l'équinoxe, réfraction non comptée, le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour 6 mois et, avec sa disparition, commencerait la longue nuit polaire.